France Inter. Aujourd'hui dans Affaires Sensibles, les paris de la Corse-Afrique, où l'histoire de deux Corses, Robert Felicciaggi et Michel Tomi, qui au début des années 90 vont s'associer, lancer une idée folle et juteuse, faire parier des Africains sur les courses hippiques qui se déroulent en France, pour finir par s'imposer comme les empereurs du jeu en Afrique. Le PMU, mais aussi les salles de jeu et les casinos, leur permettront d'amasser une fortune colossale en quelques années, mais à quel prix ? Proche de Charles Pasqua et de plusieurs chefs d'État africains peu recommandables, le Congolais Denis Sassou Nguesso, le Gabonais Omar Bongo ou encore le Malien Ibrahim Boubacar Keïta, Tomi et Felicciaggi seront durant de nombreuses années au cœur de plusieurs scandales impliquant des figures du milieu dans la longue histoire de la France-Afrique. Le premier, un temps surnommé le parrain des parrains, sera envoyé en prison et fera l'objet d'une surveillance étroite de la police française. Le second, qui se rêvait notable de l'île de Beauté, sera assassiné en 2006 sur le parking de l'aéroport d'Ajaccio. Les histoires de jeux finissent mal, en général. Notre invité aujourd'hui, Jacques Folourou, journaliste au Monde et co-auteur avec Vincent Nouzil d'une enquête publiée chez Fayard, intitulée « Les parrains corses ». Il est également l'auteur du livre « Mafia Corse, une île sous influence », publié l'an dernier chez Robert Laffont. Affaires sensibles, une émission de France Inter, récit documentaire Rémi Carayol, rédaction chef Franck Cognard, chargé de programme Rebecca de Nantes, réalisation David Leprince. Fabrice Drouel, Affaires sensibles, sur France Inter. Nous sommes le 9 mai 1998 à Vincennes. Il fait grand soleil en ce samedi après-midi. L'hippodrome est plein à craquer. Les Franciliens sont venus en famille pour admirer les chevaux de course, pour parier, bien sûr, mais aussi pour découvrir ce que le journaliste de France 2, Daniel Leclerc, qualifie de folklore africain. Danseurs en costume, cavaliers et artisans sont spécialement venus du Cameroun, tout comme la première dame, Chantal Biya. Ce jour-là, 20 chevaux se disputent le Grand Prix de l'Amitié France-Afrique et c'est le grand favori, Épée d'Or, qui l'emporte. Cette course n'a pas le prestige du Grand Prix d'Amérique, certes. Mais pour le Paris Mutuel Urbain, le fameux PMU, elle représente une manne alléchante. Créé 3 ans plus tôt, en 1995, ce prix est censé sceller les liens particuliers entre la France et l'Afrique, mais aussi, et surtout, décupler les retombées d'un marché prometteur. En ce début d'été, le PMU n'a pas 10 ans d'existence sur le continent africain, mais déjà, il représente un potentiel immense de turfiste sur lequel la Société de Paris entend bien capitaliser. Le représentant du PMU ce jour-là, Daniel Bourgoin, ne s'en cache pas au micro de Daniel Leclerc. Vous êtes monsieur course du PMU en Afrique. Quel essor considérable. J'ai envie de dire qu'il y a 15 ans, les Africains ne suivaient pas tellement les courses. Aujourd'hui, ils sont de nombreux pays. Oui, 14 pays africains prennent sur les courses françaises, Daniel, tu te rends compte ? Alors, on se dit aussi que c'est vrai que les Africains ont longtemps utilisé le cheval comme moyen de locomotion, mais aujourd'hui, ils sont passionnés par les courses et les courses en France. Oui, il y a une culture cheval, une passion du jeu. C'est un engouement total au niveau des courses africaines. Ils sont passionnés. Oui, sauf qu'à l'origine, le PMU en Afrique, c'est une histoire de piratage. Petit retour en arrière. Nous sommes dans la deuxième moitié des années 80. Quant au Sénégal, les responsables de la loterie nationale ont une idée un peu folle. Détourner les images des courses hippiques qui se déroulent en France et qui sont retransmises à la télévision le week-end et faire parier les Sénégalais dessus. Jouer sur des chevaux qui courent à plusieurs milliers de kilomètres de Dakar, c'est une drôle de mise en scène à laquelle pas grand monde ne croit. Pourtant, la greffe prend, et rapidement. Les Sénégalais, effectivement, se prennent au jeu et se mettent à rêver des jackpots. Le phénomène attise la curiosité des journalistes français. En décembre 89, Antenne 2 y consacre un reportage. À Dakar, la fortune dépend parfois de Jean-René Goujon, de Kébir Dechenu, de Cachas Mussen et de Trampolino. Au Sénégal, le regard des turfistes se tourne toujours vers Vincennes, Auteuil, Longchamp et autres hippodromes français. Depuis le 5 février 87, les Sénégalais ont leur PMU. Seulement, leurs paris se font sur les courses françaises. Alors à Dakar, On s'organise en vendant par exemple 4 francs des photocopies des pronostics parus dans la presse hippique parisienne. Je joue aujourd'hui, c'est 1200. 1200. Chaque jour. Avant, je jouais à 4000-4500. Les gens s'intéressent beaucoup au PMU, compte tenu des difficultés que nous surmontons dans ce pays. À Paris, personne au début ne perçoit l'immense marché qui s'ouvre. À vrai dire, on y croit guère et on observe avec amusement, voire un certain dédain, cette curieuse initiative. Mais en Afrique centrale, au début des années 90, un duo de Corses qui vient tout juste de se lancer dans les jeux d'argent s'y intéresse de très près. Un duo digne d'un film de Martin Scorsese, j'ai nommé Robert Felicciaggi et Michel Taumi. Felicciaggi est corse d'origine, comme son nom l'indique. Sa famille a ses racines dans un petit village du sud de l'île de Beauté, situé à 40 km d'Ajaccio, Pila Canale. Mais c'est d'abord un Congolais d'adoption. Il y est né, il y a grandi, c'est là qu'il a fait sa vie. Il faut dire qu'entre les Corses et l'Afrique, c'est une vieille histoire, aussi vieille que la colonisation. Au XIXe siècle et durant la première moitié du XXe, la Corse est l'île des migrants par excellence, selon l'historien Fernand Braudel. Mais que faire avec ce soleil brûlant et cette terre rocailleuse, tout juste bonne à donner un peu de blé, des olives et du raisin? Pour beaucoup, le seul horizon, c'est l'exil. Durant la première moitié du XXe siècle, la Corse perd ainsi 40% de sa population. On devient marin, fonctionnaire, policier, on découvre le monde, et on se transforme presque automatiquement en agent de l'ambition coloniale française. Puis, au fil du temps, eh bien, on prend goût aux tropiques. Alors on monte un commerce, on ouvre un bar, on fonde une famille. Beaucoup parmi les Corses qui quittent leur île se retrouvent en Indochine, mais aussi de l'autre côté de la Méditerranée, en Algérie, au Maroc, et au-delà du Sahara, au Sénégal, au Niger, au Gabon. C'est le temps des amicales corses, des banquets, des bals dansants, où on se retrouve entre soi et où on se rappelle la terre-mère. Car comme le racontait l'historienne Vanina Profizzi sur RFI en 2002, jamais le lien avec l'île natale ne sera rompu. C'est presque une internationale des Corses des colonies. On a ce sentiment d'une communauté particulière au sein de la communauté française. Ce sentiment qu'il y a une fraternité particulière des Corses, qui est entretenue parce que ces Corses, en fait, se fréquentent. Déjà, ils se croisent dans les différentes colonies dans lesquelles ils servent. Et puis surtout, ils ont un territoire d'origine, un territoire dans lequel ils reviennent chaque année ou tous les deux ans, puisque jusqu'en 1949, c'est tous les deux ans que les congés des coloniaux leur permettent de rentrer en métropole. Et tous ces gens se rencontrent, se voient dans les bateaux de retour, se voient dans les villages, etc. Et donc il y a vraiment le sentiment d'avoir une communauté singulière. Puis vient l'ère des indépendances. Certains retournent au pays, d'autres, nombreux, font le choix de rester. Et ils vont jouer un rôle majeur dans ce qu'on appellera plus tard le système Focard, du nom de Jacques Focard, le tout-puissant monsieur Afrique de Charles de Gaulle, qui a besoin d'hommes de confiance pour préserver l'influence de la France sur le continent africain. Pour ce faire, il va s'appuyer sur les Corses. Ceux-ci conseillent les chefs d'État, comme au Niger, occupent des postes clés dans les services de police, comme au Gabon, tiennent des bars et des restaurants, bref, rien ne leur échappe. Même de Gaulle s'émeut de leur influence auprès de son fidèle conseiller. « Dites donc, Focard, il y en a assez de tous ces Corses, hein ? Y a que ça !» lui aurait-il un jour reproché. C'est dans cette relation particulière que s'inscrit la famille Felicciaggi. L'aïeul, Jérôme, a débarqué à Pointe-Noire, au Congo, en 1909. Il est greffier au tribunal. L'un de ses 6 enfants, Robert, devient administrateur des postes, toujours à Pointe-Noire. Avec son épouse, une institutrice, ils ont 4 enfants, dont 2 font leur vie en Afrique. Charles, plus connu sous le nom de Charlie, et Jérôme, que tout le monde appelle Robert. Le premier fait fortune dans la pêche, au Congo, puis en Angola. Le second se lance d'abord dans l'hôtellerie, avant d'acquérir le titre très officieux d'empereur des jeux d'argent en Afrique centrale. Il faut dire que les Felicciaggi ont un atout de taille. Ils sont allés à l'école avec un certain Denis Sassou Nguesso, l'actuel président du Congo. Lorsqu'il prend le pouvoir, en 1979, il y a donc 44 ans maintenant, Sassou donne à Robert la gérance de l'Olympique, le grand hôtel de Brazzaville. Dès lors, le Corse devient incontournable. Et il ne s'en cachait pas. Il semblait même s'en délecter en 1995 dans une interview accordée au journaliste de Libération Stephen Smith. Dans les années 80, il n'y avait pas de contrat au Congo qu'une entreprise française, publique ou privée, n'ait obtenu sans nous. Tout le monde venait nous solliciter. Il faut absolument que la France décroche ce contrat. Et bien, nous avons fait le nécessaire. Mais Felicciaggi est ambitieux, il voit plus loin. Et il a deux rêves. Le premier, se lancer dans les jeux d'argent, un monde qui le fascine. Il y pense depuis longtemps. En 82, il s'était rendu à Port-Gentil, au Gabon, pour évaluer la possibilité d'y installer des machines à sous. Son second rêve, revenir un jour en Corse pour y jouer un rôle politique. Car il y a de la revanche dans l'air. Jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, les Felicciaggi régnaient sur Pilacanale, avant de se faire évincer par les Colonna, qui se succèdent à la mairie depuis les années 50. Robert s'est mis en tête de rétablir l'honneur des siens sur sa terre. Mais pour cela, il doit se faire un nom. Dans les casinos, par exemple. Son problème, c'est qu'il ne baigne pas dans ce milieu. Michel Tommy, en revanche, y est comme un poisson dans l'eau. Lui est né à Alger, en 1947. Il est originaire, comme Felicciaggi, du sud de la Corse. Son village, Tasso, situé au fond de la vallée du Taravo, qui a acquis au fil des ans le surnom de « vallée des croupiers », n'est pas très éloigné de Pilacanale. Quand il est né, on disait en Corse, plus ou moins sérieusement, qu'on avait deux possibilités dans la vie, devenir flic ou truand. Son père était flic, l'un de ses demi-frères l'est aussi dans les jeux. Il débute comme croupier à Monaco, puis monte en grade et finit par diriger des casinos. Ses parents dans ce milieu, c'était les Franceschi, une famille sulfureuse dont l'un des membres éminents, Marcel, a frayé avec la French Connection avant de tomber sous les balles en 82. Tommy a travaillé pour eux dans plusieurs casinos, mais aussi Rulle, à Nice, une maison dirigée par Jean-Dominique Frattoni, alias le Napoléon des tapis verts. Ce casino a longtemps défrayé la chronique pour ses dettes, notamment. Comme ici, en 1982. Le Rulle ne va plus. Après le Palais de la Méditerranée, l'autre casino de Nice ferme ses portes. Et oui, Pierre, le casino Rulle vient déposer son bilan et cesser ses activités. La société qu'il exploite doit plus de 300 millions de francs au trésor et aux douanes. Messieurs, faites vos jeux. 14, 50 000 au premier. Le 16. 16. Rien ne va plus. À la fin des années 80, Tommy sort de prison. Il vient de purger une peine d'un an ferme pour avoir minoré des recettes alors qu'il dirigeait le casino de Bandol dans le Var. Mais il en a assez de la France. C'est alors que Felicciaggi lui tend la main et lui propose de le rejoindre en Afrique. Felicciaggi a le carnet d'adresses, Tommy le savoir-faire. Dès lors, les deux hommes vont lier leur destin. Leur entente serait née d'un coup de foudre, l'expression est d'un témoin de cette alliance. Mais surtout, d'une ambition commune. En quelques années, le couple d'associés devient incontournable en Afrique centrale. Felicciaggi s'occupe de son pays, le Congo. Tommy, lui, débarque au Cameroun au début des années 90. Il ne connaît personne. C'est la première fois qu'il met les pieds en Afrique subsaharienne. Mais Robert lui a donné de bons conseils. Et très vite, en avril 91, il obtient l'autorisation d'exploiter des salles de jeu. Ce sont les premiers Fortune's Club, les casinos du pauvre où l'on peut jouer au banc du Manchot à toute heure. Et il en a aujourd'hui des centaines sur le continent africain. Puis il négocie l'ouverture d'un casino, le Palm Beach, à Douala, en 1992. Le succès est immédiat. La même année, les deux hommes lancent le pari mutuel urbain camerounais, le KMUK, puis son cousin gabonais, le KMUG. En 95, Felicciaggi avoue à Stephen Smith qu'il était plutôt sceptique à l'époque. Franchement, je n'aurais jamais cru que des Africains parient sur des chevaux qui courent en France. Un jour, Sassou m'a demandé de mettre de l'argent dans la congolaise de gestion de loterie, la Cogelo. Ce jour-là, j'ai mis une croix sur 60 millions de francs CFA. Puis, quand il a eu presque tout bouffé, le directeur de la Cogelo est venu me voir pour me parler du PMU au Sénégal, qui d'après lui marchait très très fort. Alors, je lui ai payé le billet pour Dakar. Il est revenu avec trois Sénégalais qui nous ont initiés. C'est comme ça que tout est parti. Et le succès, effectivement, est fulgurant. En quelques années, des PMU voient le jour un peu partout sur le continent. Au Burkina Faso, au Burundi, en Centrafrique, à Madagascar. Tous ne sont pas en main d'Écorce, loin de là. Mais l'Afrique centrale est leur royaume. À Libreville, où Tommy a fini par s'installer, le siège du CMUG, ou PMUG, comme Gabon, comme vous voulez, situé en plein centre-ville, à deux pas du casino Croisette, qu'il possède également, est pris d'assaut du matin au soir. Au Cameroun, il n'y a pas un village de brousse qui n'ait sa guérie devant laquelle on peut lancer des paris. Et parfois, perdre toutes ses économies. C'est bien connu, les jeux d'argent peuvent rendre accros, notamment les plus précaires. Exemple avec ce reportage de l'émission Faut pas rêver, tourné au Cameroun et diffusé sur France 3 en 2012. Nous sommes bien au Cameroun et il en est ainsi. Le pays vit à l'heure des courses. Tiercé, quarté, quinté n'ont plus de secret pour la plupart des Camerounais depuis que le PMU français s'est installé dans le pays. À chaque carrefour, un kiosque du PMUC. À chaque course, des centaines de milliers de parieurs. Il y a des grands-pères qui jouent au PMUC, qui ne connaissent rien. Des gens qui sont abrutis. Quand chacun rêve dans la pauvreté, chacun imagine. Ils ne dorment pas. Ils partent, ils rêvent qu'ils sont devenus millionnaires. Hein, qui sont devenus millionnaires alors qu'ils vivent dans la misère totale. Ça a détruit des ménages, ça a détruit des vies. Beaucoup de commerçants sont morts en jouant à ça. Et qu'on ne s'y trompe pas, ces PMU-là n'ont pas grand-chose à voir avec le PMU français. Ce ne sont pas des succursales, d'abord, chacun d'eux est indépendant. Tout juste bénéficie-t-il, contre une redevance annuelle, des images de course, des programmes et parfois de quelques conseils quant à la promotion. Ainsi, chaque PMU établit ses propres cotes en fonction du nombre de parieurs. Il faut dire qu'à Paris, au siège de l'entreprise, on se montre prudent. Certes, on se félicite d'avoir mis un pied sur le continent, c'est une manne providentielle. En 2014, par exemple, les 16 PMU africains représentaient 10% des revenus du PMU à l'international, soit 726 millions d'euros. Mais on semble aussi quelque peu gêné par la réputation de certains de ces paris mutuels. Plusieurs scandales de corruption et de blanchiment d'argent émaillent en effet leur histoire. Et notamment, ceux qui appartiennent au duo Felicia-G-Tommy. On n'arrive pas au galop en selle sur un âne, en embobinant un coup de discours à 10 balles. Reste là-bas si on retarde, tu vas venir, l'absent a toujours eu tort de revenir. J'aiguise ma pointure, ce monde est dur, on savait de quoi te plains-tu. La peur de l'inconnu, je trouve ça dingue, à cheval sur deux cultures, c'est au moins être bilingue. Je répondais au smartphone, mais j'ai qu'une parole, faut calmer le vertical slalom. Dans deux secondes, je vais tirer le chapeau, rois sans carrosse qui ont usé leurs sabots. À cheval sur tout est possible. Les anciens connaissent les consignes. Yeah. Hey, dis-moi c'est aux consignes. Yeah. On part à cheval sur l'impossible. On peut se tromper de chaussures, mais pas rater des chevaux sûrs. Le cerveau dur s'entoure de mules et de moutons, et c'est lui qui appuiera sur le damené bouton. Mes mots réparent les cassures, ceci est la morsure d'un cheval sûr. Mangeur du bitume, qui gère les pâturages. Avec des crampons, j'ai fait du patinage. Pour des fantastiques shows, sans la débauche, une chevauchée fantasque. L'inverse d'une chute sans casque, jamais tort sur scène. Mesdames et messieurs, voici la torche humaine. À cheval sur tout est possible. Les anciens connaissent les consignes. Yeah. Hey, dis-moi c'est où qu'on signe. Yeah. On part à cheval sur l'impossible. Si les anciens connaissent les consignes. Yeah. Hey, dis-moi c'est où qu'on signe. Yeah. On part à cheval sur l'impossible. Aujourd'hui, les paris de la Centrafrique. France Inter. Nous sommes Corses, nous sommes Africains. Nous sommes un peu dans la politique, nous sommes un peu dans les jeux. Alors ça fait très sulfureux. Affaires sensibles. Feliciaggi est au micro, dur comme fer qu'en Afrique. Quand vous êtes faible, vous vous faites bouffer. Ce sont les mots de Feliciaggi. Il s'appuie donc sur les plus puissants, les chefs d'État. Feliciaggi, on l'a vu, est un ami d'enfance de Sassou Nguesso, le despote congolais. Tommy, lui, se rapproche d'Omar Bongo au Gabon, un autre autocrate au pouvoir depuis 1967. Ils se fréquentent, ils s'apprécient. La confiance est telle que Bongo confie aux Corses des dossiers sensibles, comme le sauvetage de la compagnie aérienne nationale Gabon Airlines, ce qui sera un échec d'ailleurs. Tommy en profite pour diversifier ses activités. Il se lance dans l'aviation, l'immobilier, les télécommunications. Son influence est à l'image du siège de son groupe, Kabi, un immeuble en forme de paquebot qui se dresse fièrement sur la corniche de Libreville. Tommy ne manque pas d'ambition, c'est moins qu'on puisse dire. Alors, Bongo l'introduit dans les palais présidentiels, un peu partout sur le continent. Le Corse s'en vantera quelques années plus tard, disant « Moi, je n'ai affaire qu'au président ». C'est ainsi qu'il réussit l'exploit d'ouvrir un casino au Mali en 1995, le casino de l'amitié. Mais l'ouverture d'un tel lieu en terre musulmane ne coule pas de source. Seulement voilà, grâce à Bongo, Tommy peut compter sur un allié de poids à Bamako. Le premier ministre et futur président, Ibrahim Boubacar Keïta, avec qui il s'est lié d'amitié. Oh, il y a bien quelques échecs, comme au Tchad ou au Sénégal, mais ils sont rares. Et très vite, Feliciaggi et Tommy amassent des millions et gagnent le titre d'empereur des Jeux en Afrique francophone. Il faut dire qu'ils ont un autre atout dans la Manche, un atout de poids, et Corse, lui aussi, Charles Pasqua. Tommy le connaît bien, leur père, tous deux policiers, étaient amis. Feliciaggi, lui, est un proche de Daniel Leandri, le bras droit de Pasqua. Et il se trouve, heureux hasard, que ce dernier a des ambitions en Afrique. Il veut tout simplement prendre le relais de Jacques Foccart. Dans les années 80 et 90, Pasqua multiplie les déplacements en Afrique. On l'y voit fréquenter plusieurs chefs d'État, Nguesso, Bongo, soutenir les fondations des Premières Dames et même envoyer des équipements sportifs à l'amicale Corse de Djibouti. La liste de ses lieutenants sur le continent est un véritable almanach corse. Daniel Leandri donc, Jean-Charles Marchiani, Jean-Paul Lafranchi, Noël Pantalacci et bien sûr Tommy et Feliciaggi. On parle alors de Corse-Afrique, un système sur lequel le journaliste Pierre Péan a enquêté. Et voilà ce qu'il en disait au micro de France Inter en 2017. On peut dire que ce soit en 86-88, mais surtout entre 93 et 95, en fait, Charles Pasqua était le vrai ministre de l'Afrique. Hein. Le ministre de la Coopération n'avait pas son mot à dire. Et donc, dans cet univers-là, il agissait, il s'est beaucoup servi des Corses, et il s'est beaucoup servi des Corses, notamment au Gabon. Depuis la mort de Pompidou en 74, Foccart, qui n'apprécie guère Pasqua, n'a plus la même influence. Alors que son rival, lui, est en pleine ascension. Pendant des années, ce proche de Jacques Chirac met son fief électoral, le département des Hauts-de-Seine, mais aussi le ministère de l'Intérieur, qu'il occupe à deux reprises, de 86 à 88 et de 93 à 95, au service de ses réseaux, corses et africains notamment, dans un obscur mélange des genres. En 87, en poste Place Beauvau, il fait un joli cadeau à quelques propriétaires de casinos. Il les autorise à exploiter des bandits manchots. Et bien sûr, c'est le jackpot. Très vite, ces machines à sous programmées pour conserver 15% des sommes jouées permettent aux casinos français, alors en difficulté, de se renflouer. Quelques années plus tard, Jean-Michel Dumay constatera dans le journal Le Monde qu'en 1988, les casinos engrangeraient bon an mal an 1 milliard de francs avec les seuls jeux traditionnels, plus les machines à sous à 1 milliard également, ça fait 2 milliards par an. Mais cela n'est pas du goût de tout le monde, en France. La polémique qui oppose Pasqua à son successeur Place Beauvau, le socialiste Pierre Jox, fait la une pendant quelques jours. Comme ici, le 2 mars 89, aux 20h d'Antenne 2. Cette autorisation d'installer des machines à sous dans les casinos avait été accordée, avait été acceptée par le ministère des Finances et notamment le ministre du Budget, pour compenser le manque à gagner dont ils étaient victimes. La loi Pasqua, votée il y a maintenant deux ans, en 87, mise en application subrepticement alors que Mitterrand avait déjà été élu président de la République. Les arrêtés signés au journal officiel après l'élection de Mitterrand. Deux jours après. Oui. Accordant à quelques casinos, par rapport aux 150, 13, je crois qu'ils sont capables de le demander, une quinzaine, je dis que cette loi et surtout ses conditions d'application sont suspectes. Suspectes pour le moins. D'ailleurs, quelques années plus tard, Pasqua, mais aussi Tommy et Felicciacci, seront au cœur d'une affaire de financement de la vie politique par le milieu des jeux. L'histoire se passe à Annemasse, en Haute-Savoie, à la frontière avec la Suisse. À la fin des années 80, deux hommes proches de Felicciacci, Jacques Bonnefoy et Toussaint Luciani, veulent y ouvrir un casino. Mais l'autorisation se fait attendre. Ce n'est qu'en 1994 qu'ils obtiennent le feu vert du ministère de l'Intérieur, alors dirigé par un certain Charles Pasqua. Et ce, malgré l'avis contraire de la commission des jeux. Peu de temps après, Felicciacci acquiert 90% des parts du casino. Puis il les revend à prix d'or, après avoir obtenu le droit d'exploiter des machines à sous. Une opération louche qui intéressera la justice quelques années plus tard, en 2001. Sourire de façade, mais silence de rigueur. En arrivant ce matin à Ajaccio, Robert Felicciacci, en chemise blanche, et Michel Tommy, en chemise bleue, s'attendaient à une journée difficile. Les policiers français avaient près d'une centaine de questions à leur poser dans le cadre d'une enquête ouverte pour blanchiment au printemps dernier par la justice monégasque. À Monaco, on s'interroge notamment sur l'argent touché par Felicciacci lors de la revente du casino d'Annemasse en 1995. Acheté 25 millions de francs, moins d'un an plus tôt, Felicciacci le revendra 100 millions. À l'époque, Charles Pasqua est ministre de l'Intérieur. Une partie de cette somme, 17,5 millions, sera ensuite reversée à Michel Tommy via sa fille, Marthe Mondoloni. Marthe Mondoloni, à son tour, versera 7,5 millions à la liste Pasqua de Villiers aux dernières européennes. Pourquoi une telle générosité ? 7 ans après cette garde à vue, tout ce petit monde se retrouve devant les tribunaux. Les juges concluent que le parti de cet argent, 7,5 millions de francs, a bien servi à financer la campagne électorale de Charles Pasqua en 1999. Ce dernier, ainsi que Marthe Mondoloni, la fille de Tommy, sont condamnés à de la prison avec sursis. Tommy, lui, est reconnu coupable de corruption active, écope de 4 ans, dont 2 fermes. Et ce n'est pas la seule affaire dans laquelle leur nom est cité. Au fil des ans, les deux associés se retrouvent au cœur de plusieurs scandales. Dans leur livre, publié en 2009, « Les parrains corses », les journalistes Jacques Folloroux et Vincent Nouzi l'écrivent « L'argent gagné par Felicciacci et Tommy dans les PMU africains ne reste pas sur le continent. Ils le rapatrient sur des comptes numérotés dans des paradis fiscaux. » Leur vitrine en France, la Société d'études pour le développement, une structure domiciliée au 26 rue de la Trémoille, dans le très chic 8e arrondissement de Paris, intéresse elle aussi la justice. Cette société est soupçonnée d'être une machine à blanchir les capitaux engrangés en Afrique, dans les PME notamment, et à les redistribuer aux amis, parmi lesquels figurent des hommes politiques et des membres du milieu. Les enquêteurs mettent ainsi au jour un projet fou partagé par Felicciacci, Tommy et Pasqua, faire du petit archipel de São Tomé et Principe, situé au large de l'Afrique, dans l'océan Atlantique, une place offshore, d'où ils pourraient coordonner l'ensemble de leurs activités. Se sont-ils inspirés de la mafia italo-américaine qui avait fait de Cuba dans les années 50 un paradis fiscal et judiciaire pour ses casinos? Peut-être. Quoi qu'il en soit, le projet capote, malgré l'implication de Pasqua. D'ailleurs, petit à petit, la Corse-Afrique perd de sa superbe. Le soutien de Charles Pasqua à Édouard Balladur lors de la présidentielle de 95, vécu comme une trahison par le futur vainqueur, Jacques Chirac. Puis l'arrivée au pouvoir des socialistes en 97 sonne le glas du réseau Pasqua. Et les scandales se multiplient. C'est l'époque des grands procès. L'affaire Elf fait la une de l'actualité. Et si le PMU fait toujours un carton en Afrique, le duo Tommy Felicciacci se disloque. Une fois qu'il s'est imposé dans le milieu de jeux d'argent, Felicciacci a pu réaliser son autre rêve. Revenir au pays la tête haute. En 94, il est élu maire de Pilacanal et puis, en 96, conseiller à l'Assemblée de Corse. En 2000, il devient le représentant du parti de Pasqua, le Rassemblement pour la France, sur l'île de Beauté. Felicciacci prend également la présidence du Gazélec, l'un des deux clubs de football d'Ajaccio. Mais la Corse vit une période de troubles. la mafia et les nationalistes y font régner la terreur. Le 6 février 1998, acmé de cette terreur, le préfet Claude Erignac est assassiné en pleine rue. La France entière est en émoi. Nous venons d'apprendre l'assassinat en pleine rue du préfet de Corse, M. Claude Erignac. Pour dire notre indignation, je crois, unanime face à cet acte odieux, je vous demande de bien vouloir interrompre nos travaux quelques instants et de bien vouloir avoir tous ensemble quelques instants de recueillement. Et c'était cette nuit, il était à peu près 21h30 à l'Assemblée nationale en session sur les 35 heures. Vous l'avez peut-être reconnu, Martine Aubry, très émue, venait de prendre connaissance du communiqué et demandait à l'hémicycle une minute de silence après la mort du préfet de Corse, Claude Erignac. Si les assassins du préfet ont été retrouvés et jugés, l'identité des commanditaires reste un mystère. Qui est derrière cet assassinat ? Un temps, l'ombre des Corses africains planait au-dessus de cette affaire. François Santoni, une figure du nationalisme corse assassiné en 2001, les avait désignés avant sa mort, mais sans jamais citer de nom. Il dénonçait, je le cite, « une opération de grande envergure visant à s'emparer de la Corse ». Et il pointait du doigt des hommes évoluant, je le cite encore, « dans le monde des affaires et du pétrole à Paris, en Corse, en Afrique, tiens donc, ou ailleurs ». Mais la justice n'a pas suivi cette piste, en dépit de la proximité de Feliciaggi et de Tommy avec plusieurs figures de la mafia. Feliciaggi, qui est devenu un notable dans son île, c'était son objectif, s'est rapproché de Jorge Colonna, le parrain de la Corse du Sud. Quant à Tommy, il fréquente Richard Casanova, un pilier de la Brise de Mer, ce groupe de criminels qui a fait main basse sur la Haute-Corse. Or, Casanova est le pire ennemi de Colonna. Les deux hommes sont en guerre. Ces amitiés contraires ont-elles eu raison du pacte qui liait Tommy et Feliciaggi depuis des années ? Peut-être là encore. En tout cas, la rumeur de leur divorce a couru, surtout après l'assassinat de Robert le 10 mars 2006. Robert Feliciaggi a été assassiné hier soir vers 23h30 sur le parking de l'aéroport de Campodellore à Ajaccio. Tout juste arrivé de Paris, le conseiller territorial d'Hiver Droite, maire de Pilacanal, est tombé dans un véritable guet-apens alors qu'il regagnait son véhicule. Paul-François Thor et Xavier Valentini. Ce matin, la BMW noire de Robert Feliciaggi est toujours stationnée sur le parking de l'aéroport d'Ajaccio-Campodellore. Hier soir, alors qu'il se dirige vers son véhicule à sa descente d'avion en provenance de Paris peu après 23 heures, le conseiller territorial d'Hiver Droite ne sait pas qu'il est attendu. Robert Feliciaggi est en conversation téléphonique. Il ouvre le coffre de son automobile pour y déposer son bagage. C'est à ce moment-là qu'il est pris pour cible par un tueur embusqué. Aux obsèques de Feliciaggi, le 13 mars à Pilacanal, il y a foule. 1000 personnes sont venues lui rendre un dernier hommage. Il y a là le préfet de région, l'évêque, des élus, ses amis africains bien sûr, et Jean-Jacques Colonna. Tommy est là aussi, mais il se fait discret, on ne l'entend pas. Entouré des siens sur le parvis de l'église, à l'issue de la cérémonie, la veuve de Robert Feliciaggi ne lance pas d'appel à la vengeance, elle se montre digne et attentive. Sur le cercueil de l'homme d'affaires élu assassiné reposent les drapeaux corses, français et congolais. C'est d'ailleurs sans doute pour le millier de personnes qui assistaient aux obsèques le discours du directeur de cabinet du président du Congo qui a le plus suscité d'émotion. Tu aurais dû choisir de vivre en terre africaine, là où tu es né. Là où la vie humaine est sacrée, l'évêque l'a dit. Là où on craint Dieu. Et là où on ne peut pas impunément défaire ce qu'il a fait avec amour, passion et intelligence. La disparition de Feliciaggi ne met pas fin aux activités de Tommy. Les PMU et les Fortunes Club sont toujours recettes. Tommy a le train de vie d'un millionnaire. Une source judiciaire affirme au journal Le Monde en 2014 qu'il percevrait plusieurs centaines de milliers d'euros par mois. La même année, quand la police fait une descente chez lui en plein été, elle tombe sur 400 000 euros en espèces. Michel achète des yachts, Michel achète des appartements, Michel achète des montres de luxe. Il lui arrive même, très souvent, de les offrir à des amis, parmi lesquels le Malien Ibrahim Boubacar Keïta, surnommé Ibeka. Mais en 2013, son étoile pâlit en Afrique centrale. Au Gabon, Tommy n'a pas la même relation avec Ali Bongo, le fils d'Omar, qui lui a succédé en 2009. On le dit même en disgrâce. Mais au Mali, un pays en guerre dans lequel l'armée française traque les groupes djihadistes, son vieil ami Ibeka vient de se faire élire président. Tommy l'a conseillé durant la campagne et il l'a soutenu après sa victoire. Dans quel but ? On l'ignore. Par exemple, c'est lui qui, pour sa sécurité, met en relation avec les patrons de Galice Security, le nouveau chef d'État. Galice Security, une société de sécurité privée française que lui a présenté un autre Corse, Bernard Squarcini, le patron des renseignements intérieurs sous Sarkozy. C'est même lui qui paye la première traite, 250 000 euros, via l'une de ses sociétés camerounaises. C'est lui encore qui se charge de lui dégoter un avion présidentiel quelques semaines après son élection. Un Boeing à 30 millions d'euros qui suscite évidemment la polémique au Mali et dont l'acquisition sera épinglée par le bureau du vérificateur général, un organe chargé de traquer les malversations financières. Cette relation très particulière irrite le pouvoir socialiste en France. Le ministre de l'Intérieur, Manuel Valls, ne s'en cache pas. Il veut faire tomber celui que la police appelle alors le parrain des parrains. Valls dénonce, je le cite, des liens entre des criminels insulaires et des sociétés évoluant en Afrique, notamment dans les casinos et les machines à sous. Suivez son regard. Mais Tommy nie en bloc et son entourage crie au racisme anti-corse. L'homme d'affaires est mis sur écoute, il est surveillé et en juin 2014, il est placé en garde à vue encore une fois. Michel Tommy, homme d'affaires franco-africain à la tête d'un empire des jeux, mais aussi de plusieurs entreprises, que l'on voit ici en 2001 avec Robert Felicciacci, assassiné en 2006, est entendu depuis hier sur des soupçons de blanchiment. C'est l'hebdomadaire L'Express qui l'a révélé. Michel Tommy aurait offert à son ami le chef d'État malien Ibrahim Boubacar Keïta des séjours dans des palaces parisiens. Cette enquête financière a été lancée en 2013 pour blanchiment aggravé. La justice soupçonne également Michel Tommy d'être lié avec le banditisme insulaire et notamment les proches de Richard Casanova, assassiné en 2008. Dans la foulée, Tommy est mis en examen pour corruption d'agents publics étrangers, faux usage de faux, abus de confiance et tout un tas d'autres délits. En 2018, il est finalement condamné à un an de prison avec sursis dans le cadre d'une comparution avec reconnaissance préalable de culpabilité. Et en 2022, il est de nouveau mis en examen en France pour un marché suspect passé entre le Gabon et la Guinée, cette fois. Aujourd'hui, l'empire de Tommy rétrécit à vue d'œil. Sassou Nguesso est toujours là, mais plus Felicciacci. Tommy a donc déserté le Congo. Au Cameroun, son casino a fermé. Au Mali, son ami Ibeka est mort en janvier 2022, quelques mois après avoir été renversé par un coup d'État. Mais le PMU, lui, se porte à merveille. Chaque jour, des dizaines de milliers d'Africains parient sur les courses hippiques françaises. Certains s'y ruinent, d'autres y perdent la santé. Ici, comme partout ailleurs, parier, ce n'est pas forcément gagner. Aujourd'hui, les paris de la Corse-Afrique, dont nous parlons avec notre invité Jacques Folleroux. Bonjour. Bonjour. Journaliste au Monde et co-auteur avec Vincent Nouzil d'une enquête intitulée « Les parrains corses » publiée chez Fayard en 2004 et à nouveau en 2009 dans une version augmentée. Première question très directe, qui a tué Robert Felicciacci le 10 mars 2006 et pourquoi ? Bah en fait, aujourd'hui, au moment où on se parle, en 2023, l'enquête est toujours ouverte. Donc, il n'y a toujours pas de réponse judiciaire. En revanche, il y a plusieurs hypothèses dans le dossier, judiciaire. Il y a une piste, on va dire, familiale, qui serait liée à la revanche d'un petit neveu amer de ne pas avoir obtenu le prêt, l'argent qu'il attendait de Robert Felicciacci. Piste qui a pour le moment qui reste un peu en désuétude. Et puis plus fortement, j'ai envie de dire, une autre thèse qui dirait qu'il a été tué à cause de son rôle un peu de financier, de banquier occulte auprès de celui qu'on a appelé longtemps le parrain de la Corse du Sud, à savoir Jean-Jérôme Colonna. Et c'est pour cette proximité qu'il aurait perdu la vie. Mais aujourd'hui, savoir qui a tenu l'arme qui a causé sa mort, on ne le sait toujours pas. A-t-on une idée des fortunes que Felicciacci et Tommy ont engrangées dans les jeux d'argent en Afrique ? Ce qu'on sait par le biais de la procédure judiciaire qui a été citée dans votre reportage là, à Monaco, c'est que sur le fruit de leurs seules activités PMU en Afrique, on va dire pendant un peu une durée d'un peu moins de 10 ans entre 92 et 98, c'est que ça portait, alors on était à l'époque encore en francs, mais sur plusieurs centaines de millions de francs. Et que une bonne partie de ces fonds, en effet, atterrissaient sur des comptes bancaires numérotés à Monaco et qui ont donné lieu ensuite, qui ont fait l'objet d'une enquête judiciaire. Et que cet argent a ensuite, comme un peu d'ailleurs selon une culture très méditerranéenne, où l'argent ensuite, le chef de clan ensuite doit faire, pour conserver son titre de chef de clan, doit faire ruisseler un peu le fruit de sa richesse. Donc il y a une partie de cet argent qui a été redistribuée à la clientèle, à la fois dans laquelle on pouvait trouver aussi bien des politiques en Corse, des politiques en Afrique, des politiques sur le continent en France, mais également des gens qui étaient dûment enregistrés au sein des fichiers du grand banditisme français. Alors on a vu quels étaient leurs intérêts en Afrique, hein, les PMU, les casinos, les salles de jeu, par ici la bonne soupe. Mais est-ce qu'ils ont investi en Corse, sur leur île? Alors, là, il faut distinguer les deux personnages, c'est-à-dire que autant, comme ça a été évoqué rapidement là, dans votre documentaire là sur Robert Felicciage, lui, en effet, voulant un peu réparer une espèce d'affront familial, d'avoir été éjecté de la mairie depuis la Canale au début des années 50 par le clan Colonna. Donc, il y a aussi toute la perversité, l'astuce d'un parrain corse, Jean-Jérôme Colonna, c'est-à-dire que à la fois sa famille, son oncle en l'occurrence, a éjecté la famille Felicciage depuis la Canale et de Corse, politiquement parlant, et c'est son neveu Jean-Jérôme Colonna qui fait revenir le fils de celui qui a été éjecté, et ça en fait à la fois un affidé, et puis ça permet en effet ensuite à Felicciage de revenir sur l'île et de reconquérir une forme d'honorabilité et de devenir un notable politique. Mais devenir un affidé des Colonna, ça n'est pas gratuit. Et le retour de Felicciage en Corse n'a pas été gratuit non plus. C'est-à-dire que vous avez, en effet, il a dû investir, renflouer les caisses du club de football, le GFCA, qui appartient au clan, qui appartenait et qui appartient encore, d'une certaine manière, à la sphère Colonna sur la Corse du Sud. Il a dû renflouer des affaires qui tournaient mal, qui étaient liées des hôtels, des établissements, des commerces. Il y a eu aussi tout ce qu'il a dû finalement dépenser aussi pour financer ces élections, selon un travail un peu de clientélisme très méditerranéen. Donc tout ça, ça lui a coûté des sous, et son retour en Corse lui a aussi coûté la vie. France Inter. Affaires sensibles, Fabrice Drouel. Jacques Folleroux, je rappelle que vous êtes journaliste au Monde et co-auteur avec Vincent Nouzil d'une enquête publiée chez Fayard intitulée « Les parrains corses ». Alors, le nom de Felicciage et Tommy a été cité dans plusieurs affaires et certains en Corse ont même voulu les impliquer dans l'assassinat du préfet Rignac. Est-ce sérieux ? A priori non. Ça, vous avez cité là, François Santoni, qui était un peu le roi des contrefeux et des brouillages un peu de messages pour rester dans la courtoisie. Non, ça c'est vraiment une piste qui a jamais été vraiment explorée. Aujourd'hui, on sait très bien ce qui s'est passé avec derrière l'assassinat. On sait très bien quelle était l'intention du groupe nationaliste en rupture de banc par rapport au mouvement principal. Ils voulaient refonder le nationalisme corse et les liens, l'idée que à un moment donné il y aurait pu y avoir aussi une implication de la mafia, et de la criminalité locale a très vite été écartée et ne repose aujourd'hui sur aucun fondement. Alors on a vu que Tommy Felicciage était très proche de Charles Pasqua. Est-ce qu'on est là dans la logique ou une queue de comète de la logique France-Afrique, à votre avis ? Je pense qu'on est au centre de surtout d'un système corso-africain et des liens entre le système mafieux corse et le monde politique. C'est ce que je me suis d'ailleurs efforcé de faire. J'ai mis 20 ans moi à documenter et être en mesure de décrire ça dans le dernier ouvrage qui est paru l'année dernière sur une île sous mafia corse, une île sous influence. Mmh. Parce que c'est d'essayer de décrire justement comment fonctionne ce lien entre le crime organisé et le monde politique. Et en fait, Felicia et Tommy, par les liens, font finalement la passerelle entre le crime organisé, d'ailleurs celui de la sphère de Jean-Jacques Colonna, mais aussi de la Brise de Mer, avec le monde politique, et en plus un responsable politique national, Charles Pasqua, ministre de l'Intérieur, à deux reprises, président du Conseil Général des Hauts-de-Seine, le département le plus riche de France, etc. Et c'est vrai que c'est démontré judiciairement. On voit qu'il y a une partie des revenus du PMU qui vont servir non seulement à financer la campagne de Charles Pasqua en 99, la campagne des européennes, mm-hmm. mais cet argent va aussi ruisseler et venir tomber dans l'escarcelle aussi d'hommes de main, des gens qui ont été poursuivis pour des faits criminels, des proches de Jean-Jacques Colonna, voire des proches de la Brise de Mer. Donc on est dans un système où les gens se cohabitent, mais faire le lien judiciairement parlant, c'est très compliqué. Alors ils ont eu notamment Pasqua et Tommy Felicciaggi ensemble le curieux projet de faire de Sao Tomé et Principe une place offshore. C'était quoi l'objectif? Oui, alors ça c'est une histoire en effet c'était un dossier qui était porté par le propre fils de Charles Pasqua, Pierre Pasqua. C'était en effet le projet et là l'intérêt, on voit bien, c'est un intérêt politico-financier, enfin criminalo-politico-financier, c'est-à-dire c'était de transformer cet archipel en place offshore. Mais pour en faire quoi? Pour en faire, à l'instar un peu des places offshore qu'on connaît dans le monde, dans les Caraïbes ou ailleurs, en faire une place qui sera évidemment un lieu d'accueil des capitaux les moins propres, un endroit qui puisse échapper à toute forme d'investigation judiciaire, et bien évidemment que un tel dossier, un tel projet ne peut que susciter de l'inquiétude, voire de la suspicion. La Banque mondiale se prononcera même publiquement sur son étonnement face à un tel projet qui avortera comme ça a été dit. Est-ce que cette histoire du duo Felicciaggi Tommy s'inscrit dans l'histoire plus grande de ce qu'on a appelé la Corse-Afrique? Apparemment, oui. Mais celle-ci existe-t-elle toujours au moment où on parle? La Corse-Afrique, elle a considérablement, en effet, réduit son influence. Ça a été dit, mais en effet, ils ont perdu le Mali, perdu le Gabon, perdu le Congo, etc. Et même au Gabon, en juin dernier, il restait encore au Gabon un casino tenu par les Corses. Et là, en juin dernier, les autorités gabonaises ont indiqué que c'était la fin du monopole sur les casinos. Désormais, notamment les Chinois seraient autorisés à investir, car ce sont d'ailleurs essentiellement des Chinois qui vont au casino ou qui jouent aux machines à sous. Donc en effet, le recul de la France-Afrique, ça a aussi signifié le recul de la Corse-Afrique. Et aujourd'hui, Michel Tommy vit essentiellement dans le sud de la France. Il est atteint d'une maladie dégénérative, donc c'est compliqué. Mais se posera une autre question, oui. Et c'est peut-être la fin, c'est-à-dire que que va-t-il advenir de cet héritage corso-africain? Est-ce que ça va donner lieu, parce qu'il reste encore des sources d'argent importantes, est-ce que ça va générer une guerre entre voyous? Est-ce que ça va générer faire émerger de nouvelles figures de la Corse-Afrique? On verra. Bien, mais ce sera le mot de la fin peut-être de la Corse-Afrique. Merci infiniment, Jacques Folleroux. Merci. Au revoir. Au revoir. C'était Affaires Sensibles, aujourd'hui les paris de la Corse-Afrique. Une émission que vous pouvez réécouter en podcast, bien sûr. À la technique, aujourd'hui, il y avait Olare Wajou Tinoua.